FrenchPod.com. Cher Père Noël, j'espère que tu n'as pas trop froid là-bas, au pôle Nord. Pour Noël, j'aimerais avoir un vélo et aussi un petit frère. Parce que je m'ennuie et je ne veux plus jouer toute seule. Cette année, j'ai été très sage. Alors, s'il te plaît, ne l'oublie pas.